C'était ces jours que tu passais là devant BFM TV. Tu avais du mal à dormir, tu avais peur pour l'avenir. C'était ce jour où tu m'as dit: et toi, es-tu vraiment Charlie? Je cherchais une réponse toute faite, les choses se brouillaient dans ma tête. Putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me sentais comme un Mr. Freeze, figé dans cet appartement si glacial. Je l'ai par le rythme des temps du journal. C'était ces jours où tu stressais là devant BFM TV. Tu me parlais du 11 septembre. Je voulais rester dans ma chambre. C'était ce jour où tu m'as dit: dimanche on y va nous aussi. J'allais fumer sur le balcon, je sentais le plan à la con. Putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te sentais comme la tour de Pise, si jolie et pourtant si proche de la chute. C'était ces jours que tu perdais là devant BFM TV, à voir en tête du cortège nos représentants au teint beige. C'était ce jour où tu m'as dit: on n'y arrivera jamais, tant pis. Tu étais déjà moins morose, c'était le début de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette petite France qui s'électrise, dès demain elle retournera au boulot. Se plaignant des chômeurs qui piquent ses impôts. C'était ces jours où tu dormais là devant BFM TV. Les gens ne savaient plus quoi dire, des lois nous préparaient au pire. C'était ce jour où tu m'as dit: tu es sinistre, c'est pas permis. Regarde, ce peuple était debout, comme pour De Gaulle ou pour Zizou. Putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On nous traite comme de la marchandise, en nous collant des slogans.